C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Les bandits sont là, Inspecteur Gadget. Ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au gadget. Qui marche ou marche pas. Et puis patatrac, Inspecteur Gadget. Là le chef qui est là. Salut chef, c'est moi, Inspecteur Gadget. Ça n'en finit pas. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là je suis là, Inspecteur Gadget. Oh là, oh la loi. Yo, salut salut. Et là qui va là, c'est Inspecteur Arbatax. Et Tortoli. Colonel Tortoli. Pour vous servir. Comment allez-vous, Bruxelles? On est de retour tous les mardis, 18h-19h, sur Radio Panique 105.4. Vous écoutez Tortoli et Arbatax. On va se mettre bien dès le début. Qu'est-ce que tu nous proposes, mon petit Arbatax? Les amigos, ce soir une sélection au poil. Et ça va commencer avec un petit duo FM Belfast. Ça, c'est l'actualité qui nous l'a soufflé à l'oreille. Belfast, qui dit Belfast, dit l'Islande. Islande, volcan. Voilà, vous avez fait le. Vous faites tout de suite le lien. FM Belfast, on part pour 3 minutes de bonheur avec un morceau qui s'appelle Underwear. Et puis ensuite, il y aura une nouvelle vague. C'est la reprise c'est de. C'est peut-être la fête de l'Iris qui nous a donné cette petite idée, mais c'est non. Peut-être aussi la belle Noguera. Et Nouvelle Vague, voilà ce petit groupe français qui est passé Passe des Palais dimanche soir et qui nous faut une reprise, Tortoli, tu allais dire. Ouais, la reprise de Just Can't Get Enough de Depeche Mode par le groupe de Marc Collin, Nouvelle Vague. Exact. C'est parti, Arbaton. Allez, FM top. Belfast tout de suite. Top à la vachette. Thank you. For me, I just can't get enough. I just can't get enough. Just feel like a rainbow, you know it set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. You're like an angel and you give me love, and I just can't seem to get enough. To to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. I saw your ad in the Jet device. I saw you need somebody for 6 to 8 hours a week. I have a lot of experience in dealing with the public. I work as da da da da da da da. I'm used to work with other people. I'm responsible and I'm available for work straight away. I'm a very positive person. How many people work in the team? Are we paid monthly or weekly? When do the shifts start and finish? What are the working hours? I would be prepared to work for a trial period. Can I leave you my number? How many people work in the team? Are we paid monthly or weekly? When do the shifts start and finish? What are the working hours? I would be prepared to work for a trial period. Can I leave you my number? Waouh! Waouh! C'était une carte postale d'Alice, Alice from Liverpool. On la remercie. Vous pouvez aussi nous envoyer vos cartes postales à l'adresse tortolierbatax@gmail.com. Ou via la page de Panique, ou via Facebook, ou via tout ce que vous voulez. Correct, Torto. Et juste avant, c'était dans l'ordre, on vous la refait, on vous la remet à l'endroit. FM Belfast et la Nouvelle Vague, pour commencer cette émission, et puis on va augmenter un peu le level. Si tu veux bien, Tortoli. Je veux bien, mais je veux bien que tu... On va passer sur Boom Analogique d'Electrolyze ou d'Electrolyze. Electrolyze, on peut dire Electrolyze parce que c'est des Français. Non, c'est des Canadiens. T'as bien... Ah, je me disais bien aussi. T'avais bien travaillé. Ah bah attends, je me disais bien qu'il y avait, BG. Il y avait quelque chose de pourri là-dedans. Et oh juste avant Boom Analogique d'Electrolyze, il y aura Solange Lafrange avec Grind. Donc là, on augmente un peu le level et puis on arrivera tranquillement vers l'agenda culturel tant attendu de Tortoli. Exactement, Solange Lafrange, qui sont Suisse. Exactement. On sera sur une sorte de duo un peu francophonie comme ça. Francophonique, exactement. Francophonique. Et Solange Lafrange, vous les retrouverez le 19 juin au Beurs, en plein centre de Bruxelles, vous connaissez. Tu connais? Bah tu connais pas. Bah tu connais pas. Désolé. Allez, Solange Lafrange tout de suite. Ciao. Waouh, Arvatax. Dans ma boum analogique, y'a des gobelets en plastique et du champomie. Bienvenue dans ma boum analogique, y'a des gobelets en plastique et du champomie. Des ballons toutes les couleurs avec plein de bonbons, allez, c'est l'heure de bouger son popotin. Car à 16h, ben on éteint. Entre deux danses, on joue à PES. J'ai même gagné quelqu'un avec le PSG. Les iPod Bank sont tous branchés. Allez, c'est parti, on va s'amuser. L-O-L, E-X-P, les R et M-D-R, on s'amuse super trop bien. L-O-L, E-X-P, les R et M-D-R, on s'amuse super trop bien. Bienvenue dans ma boum analogique, y'a des gobelets en plastique et du champ vomis. Bienvenue dans ma boum analogique, y'a des gobelets en plastique et du champ vomis. C'est le retour des cowboys. C'est le retour des cowboys. Yes, vous êtes sur Radio Panique, c'est le 105.4. Tortoli et Arbatax pour vous servir. Il est 18h20. 18h20. Ça va être l'heure de votre rendez-vous culturel. Ah, c'est bon, c'est l'heure de l'agenda culturel. Let's go Tortoli, envoie le pâté. Alors, qu'avons-nous dans nos petits papiers? Je ne vous cache pas que... Où est-ce qu'on a des chances de te croiser ce week-end? Oui, bah déjà. Ou dans la semaine, hein, j'imagine que tu as des dates. Déjà chez moi, tu pourras me croiser chez moi. D'accord. Bonne base. Et ensuite le week-end. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu oublié ma feuille en venant dans les studios, donc je fais tout de tête. T'es mal à mémoire. Pour une fois, ça changera. T'es mal à mémoire. Je peux commencer par exemple par un petit recyclard. Demain, Gourzouf. Avec OK. BJ. Gourzouf qui sont des Biélorusses, from Belarus. C'est un duo un peu fusion. Il vous en coûtera 5 euros, c'est au Recyclard. Le jeudi, qu'est-ce qu'on fait le jeudi? Bah rien, au repos. Ravioli. c'est ravioli, donc on se calme. Le vendredi, alors là, le vendredi, les gars, j'ai la dose. Non, j'ai pas la dose, j'en ai qu'un. J'en ai qu'un, mais j'ai envie de vous le garder en plus pour après parce que j'ai voilà, ça s'enchaînera très bien avec ce que je vous passerai en son. Par contre, le samedi, tu voulais parler du vendredi ? Non, pas du tout. Non, je vois très bien l'enchaînement que tu veux nous faire et tout. Ouais, je trouve ça super. C'est laborieux mais super. Donc vas-y ma poule, envoie. Très bien. Samedi en 8, nous serons donc le 15 si je calcule bien. 8 plus 15. Reykjavik, Islande. Reykjavik, exactement. Ziggy, magasin 4. Ah oui, bien, j'adore. Magasin 4, plus 15, plus 23. Bah, ce qui nous fait l'huile d'olive. Voilà, Exidus et Ziggy and the Renaissance Band. Ça se passe au magasin 4, avenue du Port, vous connaissez. C'est, il vous en coûtera entre 13 et 16 euros, 13 en pré-vente, 16 on place. Autrement, si vous êtes un peu plus dans le délire femme à moustache. Nah. Il est beau l'enchaînement. Coco Rosy. Il est beau. Entre 17 et 23 euros, c'est samedi, c'est au Cirque Royal, c'est dans le cadre des Nuits Bota. Également le dimanche, FM Belfast et Bonobo. FM Belfast qu'on vous a passé, c'était le premier titre de cette émission. T'as kiffé ? Si t'as kiffé, bah t'y retournes. En plus, il y a Bonobo, c'est vachement super. C'est très très bien, franchement. C'est hyper lol. Je ne peux que vous le conseiller. MDR. Ça vous coûtera entre 16 et 22 euros. C'est dimanche, toujours dans le cadre des Nuits Bota. Et autrement, j'ai une autre date qui m'arrive dans l'oreille. Là. Jesus Church. C'est l'église en face du botanique. Du botanique, ouais. Il y a des expos, installations, performances. Très belle d'ailleurs, architecture remarquable. Magnifique, ouais. Enfin, on n'y va jamais pour l'architecture, hein. Ça on est bien d'accord. Pourquoi tu y vas alors? Pour prier peut-être? Ouais, on y va pour voir des amis et puis boire un petit peu d'eau bénite, comme on dit là-bas. D'eau bénite. Bénite. Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? De Benito, Benito. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans l'oreille en direct? Voilà, il y a des expos, des installations, des performances. C'est des collectifs de jeunes artistes qui sont dans ce squat un petit peu sympathique. Hein. Ouais, bien c'est sympa. Gratuit, c'est gratuit. J'ai pas encore l'occasion d'y aller, mais ça me fait penser que. Tu me dis que tu vas boire de l'eau bénite et ensuite tu me dis que t'as pas été. J'ai l'impression que tu me floutes. tu me brouilles comme sur Canal. Donc si j'ai bien compris, on va voir Coco Rosy samedi, on se fait l'after à l'église du Bota, c'est ça? Voilà. Ok. Et le vendredi, voilà, nous dire voilà, retour vers le futur, tu reprends ta DeLorean, nous y voilà. On va, toujours dans les femmes à moustache après Coco Rosy, à Madame Moustache, qui est ce nouveau bar un peu branché, bien, que tout le monde a l'air d'apprécier visiblement. Voilà. Même si le vestiaire est payant et que les toilettes, de même. Non, mais oui. Enfin, la sympathie des videurs rattrape largement tout ça. Largement. De toute façon. Large. Large. Un videur, ça a toujours été sympathique. Comme. Comme un maître nageur. Comme un poil sur un nez. Voilà, exactement. Donc, à Madame Moustache, le vendredi, il y aura La Terre Tremble et exactement, je vous le dis, je vous le donne en mille, The Patriotic Sunday. Yes! Dis donc, ça va te faire kiffer. Bah oui. C'est Patriotic mon petit côté Sunday, chauvin. Voilà. Pense. C'est des Français, des Nantais même, l'entrée est à 5 euros. The Patriotic Sunday qui font une petite tournée Benelux. À pas confondre avec le Benenuts. Ah non, d'accord, non. D'accord, rien à voir avec, d'accord. Voilà, Patriotic Sunday, vous pouvez aller checker sur le MySpace, il y a des dates, il y a surtout du bon son, dont ce son qu'on va vous passer tout de suite. Ah mais ouais, bah je vois exactement, j'avais le doigt dessus et... T'étais bien prêt. Ah c'est ça l'enchaînement, d'accord, voilà. Ok, d'accord, très bien. Écoutez bien, ça s'appelle Jonas. Ah bah y'a plus qu'à se l'écouter. Et le groupe c'est The Patriotic Sunday, voilà, le dimanche patriotique. Ok, laisse-moi, je me permets juste d'annoncer que juste après le Patriotic Sunday, on s'enchaîne un petit morceau avant l'agenda culturel de Myself, Arba Tax. On aura juste le plaisir d'écouter Jefferson Airplane, un petit morceau hippie qui nous vient des années 60s. Ça va bien nous détendre après ton agenda. Voilà, ça va venir juste avant, tu vois. Parce que tu nous stresses déjà un peu là. Et ça s'appelle Good Morning Vietnam, il me semble, et là je dis encore bien, il me semble que c'est dans la BO de Forrest Gump. Jefferson Airplane qui ont joué à Woodstock. Toutes les voilà. Sources sont vérifiées. Merci Tortoli, ça fait bien zizir. Voilà. On a de quoi se remplir tous les soirs jusqu'à dimanche. Se remplir et se vider également. Pardon. Je ne l'aurais pas fait. Pardon, on m'annonce que The Patriotic Sunday arrive avec Jonas. Yes! T'as oui, pas c'est envie. Ça. Non, c'est bon, non, c'est parti. Non, parce que tu ne l'as pas entendu. C'est parti. T'as pas envie. Non, il est parti. Non, il est pas parti, je le vois. Si, il est parti, tu vois. Tu vois, il est parti. Jonas was supposed to play, but all things come and run away. None of our efforts have been spent, we either letting go or giving in. As like hard pounding rain, who is there left to blame? Hell, I have to hear him now, do I have to fear you now? Oh. Jonas was supposed to play bass with us, but things turned out to get too curious, leaving stories with the hound of revenge on his closed doors that emerged in smoke. We'll have sour times and bad wine, I hope you'll have a good time. Yeah, I can't see. seem to get some sleep. It's all about him on empty streets. Let the cars passing take him through the dark. No easy rest when you're waiting on the dog's bark. He's been swept under the carpet, and I hide under the covers. We'll have sour times and bad wine. I hope you'll have a good time. Yeah, I can't seem to get some sleep. It's all about him on empty streets. We'll have sour times and bad wine. I hope you'll have a good time. Yeah, I can't seem to get some sleep. It's all about him on empty streets. Seasons change and forget. Check if we left any trace. The times are hard. It's never been so easy. Bottle is holding you. You all alone. Endless drinks for endless nights. Helpless hopes and helpless fights. My guilt spreads around the room. Sounds make my hands shake for all he couldn't take. We'll have sour times and bad wine. I hope you'll have a good time. Hey, I can't seem to get some sleep. It's all about him on empty streets. We'll have sour times and bad wine. I hope you'll have a good time. Hey, I can't seem to get some sleep. It's all about him on empty streets. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Being wrong, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. Waouh, on est de retour. De retour du Vietnam. Vous écoutez Tortoli et Herb Attax. C'était pas notre guerre, Tortoli. Exactement. Hey, hey. Radio Panique 105.4, tous les mardis, 18h-19h. Tu contestes ? Prépare ton testament. Radio Panique. Tortoli, Radio Panique. Herb Attax. La reine des radios bruxelloises. Voilà, on se reste sur... 18h33. Voilà. Que... Ah, mais oui, c'est l'heure. J'attendais que tu me lances, Tortoli. Pardon. Je n'attendais que ça. Pardon, bah, je vais te lancer, mais tu vas peut-être pas atterrir. Allez, c'est l'heure de l'agenda. L'agenda culturel. Yes. Et je vais même te mettre un petit peu de son. Je suis gentil. Qu'est-ce que tu nous mets là? Attends. C'est un instru. Old school, school, hein? Ouais, ouais. Même pas Grand Master Flash, c'est Master P. Master P, ok. Voilà. Alors, ton agenda Q. Ouais, alors. Alors... Laisse-moi te kicker un peu parce que du coup, avec ton agenda culturel fait de tête, là, t'as sorti un peu tout ce qu'il y avait à faire sans Bruxelles et moi qui avais apporté ma feuille, j'ai dû tout rayer quoi. J'ai plus rien de libre. Enfin bref, j'ai quand même deux, trois. On peut quand même te retrouver deux, trois quelque sorties. Part ou pas ce week-end? Alors, bah, si on commence par samedi, on va me trouver à la Gay Pride, c'est ça que tu voulais dire. C'est samedi 15 mai, c'est la Gay Pride, pas seulement à Bruxelles, partout dans le monde. La Gay Pride, ce mouvement qui est né en 1969. Et qui commémore les émeutes de Stonewall qui se sont passées à Christopher Street à New York, là où des flics, des cops ont tabassé des homosexuels dans les bars de la rue Christopher Street. Et depuis 1969, on commémore ça. Ça s'appelle la Gay Pride, la marche des fiertés, la Lesbian and Gay Pride, la Lesbian, Gay, Bi and Transsexual Pride, tout ce que vous voulez. En fait, c'est samedi sur Bruxelles et partout dans le monde, sauf en Afrique. Ensuite, trouve un pays en Afrique qui fait la Gay Pride, ma poule. Par l'Afrique du Sud, je me suis renseigné. Ensuite... Le Canada ? Et le Canada, exact, exact, exact, Dakar, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, dimanche, je rappelle qu'il y a Brigitte Fontaine et Arthur H. Qui viennent s'éclater au Cirque Royal dans le cadre des Nuits Botta. Brigitte Fontaine qui viendra présenter son 15e album. 15 albums. Oui, monsieur. Carrément. Celui-là s'appelle Prohibition et il a été produit par Grace Jones. Pour cette soirée, Brigitte Fontaine, Arthur H. et pardon, j'oublie Karl, un artiste belge. Il t'en coûtera 22€ en pré-vente. Très bien. Enfin, depuis le week-end dernier, il y a un festival de graff qui a commencé sur Bruxelles. Ça s'appelle le Cosmo Art Tour. Ça se passe entre Amsterdam, Bruxelles et Bagnolet. Oula, géographiquement c'est chaud, hein. Entre Bagnolet, oui. Amsterdam et Bruxelles. Voilà. Ah, à Marchand-Famène à peu près. Voilà, si tu coupes la poire en deux. Ok. Donc ça se passe donc cette semaine sur Bruxelles, ça a commencé le 7 mai le week-end dernier. On a plus de 70 artistes graffeurs qui sont là du monde entier, de Chine, Australie, France, USA, j'ai repéré Autriche, Belgique, Angleterre, il y a... Moult graffeurs, ils sont répartis sur différents endroits. Il y a l'Indigo Studio à Forêt, le Centre Culturel Jacques Franck. À Saint-Gilles. Le Lézard Urbain. À Saint-Gilles. Oui, monsieur. Tu connais une bien. Note, vas-y, une note. Ça, c'est vraiment le ghetto de Bruxelles. Et ensuite, voilà, j'ai repéré que ça. Et si, par contre, au Brass aussi. Ça, je sais pas où c'est. Le Brass. À Forêt, à côté du Wills. Exact. Yes. Tortoli, la Nat Life n'a pas de secret pour toi. Vas-y. Voilà. Une autre adresse. Vas-y, je suis chaud. Voilà, donc en fait, ces mecs font des fresques collectives et toutes sortes d'actions autour du graff. Voilà, il y a la soirée de clôture samedi au Brass. Et si tu veux plus de renseignements là-dedans, toi, auditeur, tu vas sur lesarts-urbain.be. Montanashop.be, c'est un shop de bombes qui est, ouais, qui est en bas du Mont des Arts, juste avant la petite place Albertine, là. Voilà. C'est ça, mais tu connais. Et puis le Cosmo Art Tour, Cosmo avec un K-art. tour.com. cosmoart-tour.com. On n'a pas compris là. Voilà, soirée de clôture samedi. Et c'est tout ce qui me restait sur mon agenda Q. Voilà. Bah dis donc. Est-ce qu'il serait pas temps de passer à la musique, Tortoli? La musique. Est-ce qu'on se remettrait pas Une bonne dose de vibes, de beats et de notes, de double croche et de ronde. J'ai oublié ce qui va passer, mais je crois que c'est National Parks. Tortoli, c'est toi qui nous a découvert ça, qui m'a montré ça, donc tu vas nous en parler. Ouais, et comme Electrolyse, qui ne sont pas français, ce sont des Canadiens, National Parks. Ils sont passés, il me semble, au Transmusical de Rennes en décembre dernier. Depuis, vous pouvez les retrouver nulle part en Europe parce qu'ils tournent pas. Voilà. Il y a un album qui est sorti, il me semble, l'année dernière. Et là, le titre s'appelle Walk to Walk. Walk the Walk. Walk the Walk, ok. Et Marche la marche. Et je vous conseille le clip qui est assez sympa, qui est tourné dans un parc national d'ailleurs. Hein, exact. Comme le nom du groupe, National Park. Et tous les petits sons qu'on peut entendre dans ce morceau sont enregistrés du coup en pleine nature, à base de rivières, de bouts de bois, etc. C'est ça ? Exactement, de bouts de bois. De bouts de bois, je relève. Tu relèves. Je relève les bouts de bois. Ok, juste après, on se passe après National Parks, les Teddy Bears. Teddy Bear, H-T-L-M-L. Qui signifie Teddy Bear. Enfin bref. Teddy Bear Stockholm. On peut donc imaginer qu'ils sont polonais. Voilà. Enfin un peu de son d'Europe de l'Est. Voilà, Stockholm dans cette émission. En Pologne. Et ils sont pas en featuring avec Cobra Style ou avec Matt Cobra. Ouais, Matt Cobra, avec Matt Cobra. Qu'on ne connaît pas, donc la précision n'est pas nécessaire dans l'émission. Mais je la fais quand même. On peut la faire pour les puristes. On peut la faire. Matt Cobra qui ne serait pas du tout un ami à Matt Professor. Hein. Non. Rien à voir. Non, rien à voir. Rien à voir. Non. Ni au jeu Mad. Voilà. Le fameux jeu de société Mad. Mais l'ennemi de l'inspecteur Gadget, c'est pas Mad quelque chose aussi ? Avec son chat, le mec, avec ses. Vous savez qu'il n'arrête pas de caresser son chat. Bah, dis-moi ce que tu me dis. On va rechercher ça et on se confirme ça plus tard. Donc, si je résume, les amis, on est parti pour National Parks, Walk the Walk et Teddy Bear pour un son qui s'appelle Cobra Style. À tout à l'heure. I could spend my day and just mop the floor, but I'm kicking dust up out of the store. This dirt just gives me a crusty paw, and so I keep my mind right on the goal. I need myself a road to roll, wide open space, I break control. My turbo head could rock the world, my god, this stall might twist my soul. I dream of south and north the pole, this goddamn weather's got me going slow. So one more time I watch the snow, this storm could blow me in and out the cold. I get in my boat and move on my way, till I swish and pull through all the day. There's miles to go from where I stay, I wish I could slide into the bay. Ain't got but rocks into my name. Pebbles in the park make me play the game. Stone throw knock and trade is my aim. I stack it up and climb it up and claim my fame. I run, try to keep the pace. But when I pick up speed, get knocked in the face. Fall without a hit, a trip, I pull my lace. And then I do a top stop, keep me from my haste. I burn my fish up in July. So I turn up the heat and then I make it fry. Too hot, too cold, can't even make it fly. Now me and my fish are gonna be in the bone dry. None of my green rocks ever turn to gold. I'm always running, but I like to roll. I'd speed up, but I'm gonna have to troll. I'm gonna keep on going till I'm knocked out cold. My feet to walk. What if I open my mouth to talk? What if I lift them up and strike a block? No fears, no jive, now I walk the walk. What if I bought a big block to run? What if I raise it up and reach the sun? What if I built a green roof? The way to town, I'm gonna send down a flare when I get it done. Shine for me. Get into the traffic with my clothes on. Shine for me. Throw some pride back, but I'm home now. Shine for me. Don't panic on the corner, it's my own crowd. Shine for me. I shout across over, make my tone loud. No dirt, no dust, won't push the mob. No fish to be fried, no pants to drop. My aim, my fame, I claim the top. All of this pressure's gonna bust my chop. Don't go, I'm gonna crack the board. The board don't crack till the road I go. Now I'm trees abound. C'est Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. C'est 105.4. C'est formidable. Refresh, jigger me the press, people button. No bad chat, come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Press trigger me no press people bun. No bother chat come face me with some. Like only have 22 in a me some. Then I feel so forget the next dozen fool. Anytime you ready pull now we see start war. See who love is spread it out from the style is the bomb, the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the bomb, the dang, diggy diggy. Go now we sit down and watch your man a live. Watch your man a own now, who a roll big. Sit down and a plan fi come put man pa fridge. Remember when you dig hole that hole you fi dig. Certain little boy we a stop deal with. Clips of them a friend and them bad mind my friend. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy diggy. Press trigger me no press people button. No bad chat come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Game say them a friend and them bad mind a friend. Anytime you ready fool, yeah. Anytime stop. One or two take the long speech from the style. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A room boy no play with the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy. C'était tout bon ça. De retour. C'était tout bon ça. Hein. Ouais, c'était Cobra Style. Teddy Bear. Teddy Bears. Staché LM. Vous retrouverez de toute manière la playlist comme toutes les semaines. Yes. Comme tous les mardis soirs, comme tous les mardis soirs quand on est en forme. Sur le www. Sur le www.radiopanique.org. Yes. Il y a une page Tortelier Arbatax, voilà. Et on balance les playlists, toutes les petites infos utiles. Et également tout... les podcasts. Yeah. Et oui. L'émission est en podcast dès que possible, quand on peut, quand ça marche, quand on y arrive, quand on est chaud. On met ça en podcast et vous trouverez toujours le lien sur le site de Panique ou sur le Facebook Tortelier Arbatax. Cette grosse voix là de Cobra Style me... Te donne m'envoie les vibes un petit peu comme ça, reggae dancehall. Dancehall, Jean-Paul. Voilà, et on voulait se faire une petite interlude rapidos, parce qu'on est retombé sur ce morceau avec Tortoli. Un morceau du Saiyan Supa Crew qui font la nique, comme ça, à Renault, en prenant son tube Marche à l'ombre. Et on va juste se passer la fin du morceau, ouais. Marche à l'ombre, quand Leroy imite la voix de Renault. On se passe ça rapidos et on revient tout de suite. tu nous fais plaisir, Arbatax. Là, c'est Renaud. La chanson, ouais, elle est simple, vous la faites, les mecs. T'as rien de sous pas gros, faut m'écouter, ça fait comme ça. Ouais. Je me suis fait un punk, j'avais pas oublié d'être moche. Bien intellectuel dans nos dents, dans Nouvelle Orne. Et ouais, mec, quand Obama sacré le flipper, on avait plus qu'une empoche. J'ai réfléchi, et je me suis dit, ouais, mec, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF. Et que demain, je peux tomber sur un malaise qui me casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau et que je rêve la gueule sur le comptoir. Si la mort me paye l'apéro d'un Airbus là. Et c'est Renault, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots. Écoute, je lui dirais, toi, tu me fous les glands. Depuis, t'as rien à faire dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Et marche à l'ombre. Tout bon. Et c'est le retour de l'inspecteur Gadget. Qui voilà, qui voilà. On a vérifié. Inspecteur Gadget. Il lutte contre une organisation appelée MAD. MAD. C'est bien ça. Voilà. Du professeur, professeur Gang ou Docteur Gang. Docteur Gang, ouais, c'est il ça, me semble. Ouais. Et bon, Inspecteur Gadget traîne avec. Avec sa nièce. Avec sa nièce Sophie et son petit chien Fino. Fino. Go. Go go. Gadgetto. Yes. Bon bah du coup on a bien coupé notre mix, mais de Cobra Style on serait bien passé sur Admiralty par rapport à la voix du MC et, mais bon voilà, l'inspecteur Gadget nous casse un peu, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, non mais il est toujours là, c'est normal, on est toujours un peu fliqué dans ce monde aujourd'hui hein. Alors, dénonce. On va repartir sur Admiralty, artiste massif de la scène dancehall reggae française. Du dancehall, j'en prends. Il nous vient de Guadeloupe, Guadada. C'est un artiste qui a émergé au début des années 2000. Maintenant, il commence à être assez gros. Il a un album. Non, mais assez gros, je veux dire assez fat, quoi. Tu vois, un mec. D'accord. Un mec qui pèse. Et je crois qu'il en est à son troisième ou quatrième album déjà. Et son dernier est justement sorti en avril, il y a à peine un mois. Donc, vous pouvez aller écouter ça. Il y a pas mal de featuring. Intéressant et bon, c'est bien dancehall quoi. Nous on a choisi un vieux morceau. Le titre s'appelle Music. Voilà, qui s'appelle Music. Music, c'est Admiralty, à pas confondre avec Admiral Tibet, un chanteur reggae qui était un peu plus performant dans les années 90, hein, il me semble. Voilà. Là, il s'est un peu calmé, voire tu. Non, là c'est le français. Là c'est le Guadeloupéen Guadada. Admiralty Music, et juste derrière, on va vous mettre. On se calme. Voilà. Quasi un classique quoi. Une sorte de princesse, une mama. On est sur un pré-classique, Tania Stephens, It's a Pity. Ouais, tout le monde connaît. Sur le rythme, Dr. Darlings. Voilà. Il n'y a plus qu'à s'envoyer ça, à chiller, et on se rejoint tout de suite après pour la fin de l'émission. Tiens, donne-moi des glaçons là, que je mette dans mon verre. Gling, gling. Tu me reviens les glaçons. Routes. Y'a mon égard, c'est gars, soit, madame, c'est que c'est place, non, ça, madame, c'est sorti, c'est que de me sorti, yes. Break the music, dance on music. Full calibre music, vocal music scene. Y'a mon égard, c'est gars, soit, dans ce music, dans ce monde partout dans le monde. All over the world. Y'a mon égard, c'est gars, soit, madame, c'est que c'est place, non, ça, madame, c'est sorti, c'est que de me sorti, yes. Oui madame c'est music, force moi c'est music. Apaiser souffrance, ça t'a souffert et puis music. Voyager et music, et faire de l'argent et puis music. Et puis music, les fois qu'après les pas assez physique. Oubliez problème, ça qui souffrance, douleur et peine. Aïe, et même si c'est pour un moment. Special day everybody, music, music. Yo, music en casse, music en basse. Toutes les musiques sont jamais lasses. Music en gaz, sur l'autre chaîne, un micro pour faire bouger la masse. Music en basse, puis y'a le basse, café, fait pas grand tasse. Music en boîte, en disco, écho, alizé ou première classe, yeah. Oubliez problème, ça qui souffrance, douleur et peine. Aïe, et même si c'est pour un moment. Special day everybody, music, music. Basse, mais tout. Oui, mais dans moi c'est music, force en moi c'est music. Apaiser souffrance, ça qu'a souffert et puis music. Voyager et music, évaner l'argent et puis music. Et puis music, les fruits qu'après n'est pas assez physique. Oubliez problème, ça qui souffrance, douleur et peine. Aïe, et même si c'est pour un moment. Special delivery by your music, music. Parce que c'est music que tout le monde a vu. Les petits qu'on lève, pour y'en love et danser. Oubliez les problèmes à laver. Oubliez tout ça qui mauvais soleil, y'en fait mauvais temps. Ça y'en fait pas temps, ça qu'a fait longtemps. Que y'en dit assez des victimes à la société, yeah, yeah, yeah, yeah. On vit passer même un petit moment, mais yeah, si t'es. ma Babylone qu'a envoyé au tout les deux dans nos musiques pour nous oublier s'il vous plaît. Parce que, primaire dans moi c'est musique, force en moi c'est musique. Apaisé sous force, ça a souffert et puis musique. Voyager et musique, il fallait l'argent et puis musique. Et puis musique, l'esprit qui apprend les pas assez physique. Oubliez problème, ça qui souffrance, douleur et peine. Aïe, et même si c'est pour un moment, special delivery by your music, music. Oula ma, oula pa, jouer musique, parlez pas. Jouer sans cesse, pas en mi, y'a un ennemi, y'a rien pas. Parlez pas, parlez malade, bas sa qui n'y a qu'un cap. Jouer musique dans les câbles, en bas chez moi, il va tout gosse. Pour ça qui caille l'école, ça qui brille dans les passes. Ça qui y'a chômage et qui café sous glace. Ça qui l'on fait les nazis, mon qui la nasse. Jouer musique par la masse. Mais dans moi c'est musique, force en moi c'est musique. Apaisé sous force, ça a souffert et puis musique. Voyager et musique, il va de l'argent et puis musique. Et puis musique, l'esprit qu'apprend les pas assez physique. Oubliez problème, ça qui souffrance, douleur et peine. Aïe, et même si c'est pour un moment. Special in everybody, your music, music. Oh, musique en classe, musique en basse. Ou des musiques sans jamais lasse. Musique en basse, ou l'autre traîne en micro pour faire bouger la masse. Musique en basse, oui, elle passe, café, café, fait pas dans classe. Musique en boîte, en disco, écho-balisé, ou première classe, yeah. Oubliez problème, ça qui souffrance, douleur et puis peine. Aïe, et même si c'est pour un moment. Special delivery, out of the musique pour forme, pour riche, pas tout le monde. Pour ça qui a mis, c'est ça qui triste. Y'a des gars, ce garçon, ça qui a souffrance. Y'a des gars, ce garçon, ça qui n'y a pas tombe. Yes, ça qui bobo aussi. Music bars en tout le monde, yes. Comme musique, ça qui bobo aussi, ça qui brise, yes. Y'a des gars, ce garçon. Tortoli Herbatax viennent partager les vibes tous les mardis. Run the tune! It's a pity you already have a wife. And me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity you already have your wife. And me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I woulda liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I woulda cut out the party and the smoking and the rum and bust a extra wine and make we see the sun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something that left the rude girl hypnotized. For you it's just a thing, just another little fling. But for me this is heaven and the angel that must sing. It's a pity you already have a wife. And me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity, yeah. I say it is such a pity you already have a wife. And me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. To buck you up in a public and can't even touch it really fuck me up. Because my check for you so much, the respect from my heart. Be your woman, be your kids, believe me, rude boy, my Chris. I know me a titties, who knows, maybe one day the world will be evolved enough. We'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I woulda love to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. Said if we never get a chance to get together, go with ya, thank I love ya. I'ma say, so meet me round the corner, avoid Mixie and Lana. You know them, I do what they biggest informer. I'm not stopping for sex, no, not ball on next, no. By the way, all your flex really beat my interest, yeah. The you what people see, I know the you and me loving. And the you were there with me go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yeah. It's such a pity you all already have your wife. And me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity, yeah. It's such a pity you all already have a wife. And me don't have a man in my life. Rude boy. why it is a pity. Mm. No, say you belong to she, you know, say me belong to him. I wouldn't want to diss your queen, you would never diss my king. But when you bleed, I'm over him, and when my feel your gears a swing. You left me in a turmoil, you have made a spin. It really made me sad, we have to waste so much water. I think the two of we can make a beautiful daughter. But it would be selfish to want innocent little youth to bring her home and can I tell her the truth. I say, go with you. I will always love you. Said if we never get a chance to be together, go with you. Remember, time I love you. Good boy, it is a pity. Tu fais pity. Ouais, c'est une pity, c'est la fin de l'émission, ouais, c'est ça que ça annonce. T'es triste. T'es triste. Non, non, non, non, Mario Bros, moi, rappelle-toi la semaine dernière. Ah, voilà, là, là, là, là. Référence, référence, quand tu nous tiens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Humour. Humour, quand tu nous tiens, humour, ah, quand tu nous lâches. Mec, on rigole, mais c'est vrai, c'est la pura verdad. Oh, c'est la fin de l'émission. On a juste le temps de se dire au revoir c'est et de la balancer beaucoup de choses, hein. Le classique de la semaine. Mais ouais. Tortoli, concentre-toi un peu. Là, je veux que t'es en forme, c'est la fin de l'émission. Mais oui, et là, ça y est, t'es en pleine forme. Quoi. Ça y est, je suis réveillé. On dirait que t'as bu un litre de jus d'orange. Bah, 19h, il est 19h. Bon, bah, merci à vous d'avoir écouté l'émission, ça nous a fait plaisir. Merci Tortoli, comme toutes les semaines, ça me fait plaisir de te retrouver dans les studios de Panique. On s'approche de 19h. C'est pas la peine non plus de me mettre la main dans la poche. Hein. tu vas pas gagner en amicalité. Hein. Dans la poche de ton slip kangourou. Oh! Magnifique. C'est aussi votre émission Tortoulière Batax. Merci Nagui. C'est pas parce merci que nous on balance que des pure tunes que des purs agendas culturels et tout qu'il faut être impressionné. Non non, vous pouvez aussi nous envoyer des idées de morceaux, des sorties d'albums, l'agenda culturel. Allez-y, envoyez les soirées de vos amis, les trucs comme ça. Si vous organisez une soirée, vous pouvez aussi nous l'envoyer, mais bon. Envoyez-nous des invites. Ouais, bah, ce serait le minimum. Si vous voulez qu'on passe. Minimum. Voilà, donc la semaine prochaine, on fera encore mieux. Encore plus fort. Encore plus haut. Visez plus haut. Encore plus vite. Voire pire. Voire pire. En mieux. Voire pire en mieux. Donc, on vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h. On prend les mêmes. Et on recommence. Et on recommence. Radio Panique, Tortoli Arbatax, on se quitte sur un Fugees. Le classique de la semaine, c'est Vocab, Fugees, yes. Laurie Neal, Wycliffe. Les good vibes. Ouais, on va être bien. On va ça, c'est bien. Un vrai classique. Voilà. Allez. I got the vocab. Bonne soirée à tous. On retourne à nos études parce qu'après la musique. C'est le blocus. C'est le blocus. Il faut réviser. Allez. The Fugees. Oulalala. Oulalala. Yeah. This is the Fugees. Ciao. The refugees. About to take you on a journey. Au revoir, into Batax. The dimensions of the book of basement. Tortoli, tu vas me manquer. The basements. Bisous. Hey yo, 1, 2, 3. The crew is called refugees. And if you come for test the rap styly, stop the violence and just bring it on. Why yo? Hey yo, I feel kind of melancholy. People think they really know me. I keep my rap up by me while I drive a daddy's Audi. I pay the tone fighting for my own soul. Cause the bourgeois type of mental sucks like a black hole. But I remain a rebel face to face distort the EQ. Them devils wishing they could send me back to Mogadishu. Cause I've been wild since I was a juvenile Afrocentric profile back when righteous rap was your style. Now kids are wild, so I asked the bad black Boogie Bandit, what's the damage? Give me the estimate then. Pray tell me when the revolution will begin. I turn on my TV, I check out Farrakhan on CNN. See, I'm like the phantom that's flying like the bird. Doing things you never heard. Plus I come from the suburbs, worth it gone. I heard you had it kinda hard. And you got your skin scorn when they were shooting on the boulevard. You got the vocab. I got the vocab. From here to Mexico. You see my 4, 5, 6 to be my CeeLo. And when I rest my head is on a pillow. BDBD, BDB, BDBBO. You see the skills I manifest is very thorough. And if you don't believe me, ask Ferris Jaco. I'm Ferris Jaco, I'm Ferris Jaco. I don't mean who, I don't mean who. Watch John now. When I choose to speak, I'm forming the cipher of like peace to the 5%. Knowledge is born to all beginners. Cast the first stone if you feel you in a sinner. Say, our Father who art in heaven, forgive the foolish rapper for he not know how for deep is stepping. Correcting, stopping, kept it. Enough respect to the DJ that be selected. The type of record. I got the vocab. You know they got the vocab. We got the vocab. Ayo, clap, grab the mic and check it out. Give it to back in 83, no one wanted to be not me. I turn on my TV, it's a dreadlock for free. Kill the gimmick, it's nonsense, it's no sense. So now you're a rapper, disaster. Nobody ever told me that. Roxanne, you don't got to work for money no more. And back in the days, I used to listen to Coogee rap. Way back when, before guns became gats. And Run DMC used to ask Mary what she bugging. I love PE, they kept me conscious of what I was saying. African bin bada, poor righteous teacher. God within myself, so it made me a 5%. Sell-a-dee-da-dee, oh, we like to party. But my jam was BDP with my philosophy. Say Grandmaster Flash, MC Melly Mel. Then LL Cool J came with Rock the Bells. See, I'm known for the crew. Like a Jew is a Jew. Like Apollo got the boo. Like the Mecca got the brew. Like the fool got the Manchu. Shaka got the Zulu. Hawaii got the Honolulu. I got the rap blues. So skibidi bop bop, you don't stop. You do the rock rock from hip hop to bebop. From bebop to bebop. You got the vocab. I got the vocab. Boogie Down got the vocab. You know they got the vocab. Ayo, peeps, grab the mic and show them you got the gift again. You got the vocab. Yeah, we got the vocab. Queens got the vocab. You know y'all got the vocab. Uptown got the vocab. Yeah, they got the vocab. Ayo, bros, grab the mic and show them you got the gift DC again. DC got the vocab. Words, y'all got the vocab. Virginia got the vocab. Ay, I know y'all got the vocab. Oakland got the vocab. Word, they got the vocab. Ayo, sisters, grab the mic and show them you got the gift again. Yes.